السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، que toutes les louanges soient à Allah Azza wa Jal, Allah le Très-Haut, Seigneur de tout l'univers, et que le salut d'Allah soit sur notre prophète Muhammad, sur toute sa famille qui est pure, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront à la perfection jusqu'au jour de la résurrection. Barakallahu fikum. On a terminé, par la grâce d'Allah Azza wa Jal, les explications des quatre règles la semaine dernière. Et nous allons commencer, Inch'Allah, aujourd'hui, une série de cours qui portera sur les annulatifs de l'islam, Nawaqid al-Islam, dont le sharh, l'explication, a été faite donc par Cheikh Dr. Abdallah ibn Abdelrahim al-Bukhari, Hafidhahullah. Donc, comment nous allons nous organiser? Ce que je vais faire tout d'abord, c'est que je vais lire cette lettre-là sur les annulatifs de l'islam, d'accord? Et puis, nous allons faire point par point, Inch'Allah. Donc ça, c'est une série de cours. D'accord, ça ne porte pas que sur ce cours-là. Ça veut dire, tous les dimanches, en fait, on se concentrera jusqu'à qu'on termine tout ce cours-là sur les annulatifs de l'islam, Inch'Allah. Voilà, Claufi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'alam anna nawaqid al-Islam ashratu nawaqid. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, sache qu'il y a 10 choses qui annulent l'islam. Il y a 10 choses qui annulent l'islam. Donc là, on va faire que la lecture. Je ne vais ni commenter, ni rien du tout. On fait juste la lecture, parce que le Cheikh, alhamdoulilah, détaille il est très précis dans les explications. Sache qu'il y a 10 choses qui annulent l'islam. Al-awwal, al-shirku fi ibadatillah. Qala Allah ta'ala, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. La première qui annule l'islam, c'est le polythéisme dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. On en a beaucoup parlé dans les cours. Allah le Très-Haut dit, certes, dans la traduction du sens du verset 48 de Sourate An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe. À part cela, il pardonne à qui il veut. Et Allah Azza wa Jal dit, dans la traduction du sens du verset 72 de Sourate Al-Ma'ida, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis. Et son refuge sera le feu, les injustes n'ont pas de secoureur. Et cela comprend, dans le polythéisme, cela comprend le fait d'égorger un animal en sacrifice pour un autre qu'Allah. Comme par exemple celui qui sacrifierait pour un djinn ou un tombeau. الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم Kafar ijma'an. Le deuxième qui annule l'islam, deuxième point qui annule l'islam, deuxième annulatif, celui qui met des intermédiaires entre Allah et lui, qu'il invoque, leur demande l'intercession, ça veut dire il demande l'intercession à ces intermédiaires-là, au lieu de demander à Allah. Donc, celui qui met des intermédiaires entre Allah et lui, qu'il invoque, leur demande l'intercession, et en qui il place sa confiance, devient par cela mécréant selon l'unanimité. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc, celui qui met des intermédiaires entre Allah et lui qui l'invoque, leur demande l'intercession et en qui il place sa confiance devient par cela mécréant selon l'unanimité. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. La troisième, celui qui ne considère pas les polythéistes mécréants. Donc celui qui ne considère pas que les polythéistes sont des mécréants. Ou bien qui doute de leur mécréance. Ou authentifie leur doctrine, devient mécréant. Devient mécréant. Al-Rabi'a, quatrième, Al-Rabi'a, man i'taqada أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Quatrième, celui qui a la conviction qu'une guidée autre que celle du prophète Muhammad عليه السلام est plus parfaite que celle du prophète عليه السلام. Celui qui a la conviction qu'une guidée autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus parfaite que la sienne, ou qu'un jugement autre que le sien est meilleur, comme ceux qui préfèrent le jugement des tawarites à son jugement, est un mécréant. Al-Khamis, cinquième, man abghadha shay'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa law 'amila bihi kafar. La cinquième, celui qui déteste une chose venue du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est un mécréant même s'il la met en application. Il déteste une chose de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il déteste une chose du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même s'il l'applique, mais lui il la déteste, eh bien il devient mécréant. Al-sadisu man istahza'a bi shay'in min din ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam aw thawab Allah أو عقابه كفر والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Sixième, celui qui rabaisse ou qui se moque d'une chose faisant partie de la religion ou de la récompense d'Allah ou du châtiment est un mécréant. Celui qui rabaisse une chose faisant partie de la religion ou qui se moque de quelque chose de la religion, ou de la récompense d'Allah, ou du châtiment, est un mécréant. Cela est prouvé par les versets, dans la traduction sens des versets 65 et 66 de Sourate At-Tawbah, dit « Était-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez ? Ne vous excusez pas, vous êtes certes devenu mécréant après avoir cru. » السابع السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. Septième, la sorcellerie qui inclut le sarf, c'est essayer de faire la sorcellerie pour essayer de séparer entre deux personnes, d'accord. Donc le atf, c'est faire de la sorcellerie pour faire en sorte que deux personnes se mettent à s'aimer. Hein? Donc, celui qui pratique ces sorcelleries, celui qui pratique la sorcellerie, qui inclut, donc celui qui pratique la sorcellerie, qui inclut le sarf, le fait de séparer entre deux personnes, et le atf, celui qui fait que pour que deux personnes se mettent ensemble. D'accord? Celui qui la pratique ou l'agrée, celui qui la pratique ou l'agrée, est un mécréant. Et cela est prouvé par le verset, dans la traduction du sens du verset 102 de Surat al-Baqarah. Mais ceux-ci n'enseignaient rien à personne sans qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant. » الثامن, la huitième, مظاهرة المشركين ومعاناتهم على المسلمين والدليل قوله تعالى ومن يتولاهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. La huitième, secourir les polythéistes et les aider contre les musulmans, cela, donc ça fait partie des annulatifs de l'islam. secourir les polythéistes et les aider contre les musulmans. Cela est prouvé par le verset, la traduction du sens du verset 51 de Sourate Al-Baqarah. Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés est alors un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les gens injustes. Donc comme je dis, hein, on n'a pas encore terminé, il nous reste encore deux points. Tout cela nécessite des explications, barakallahu fikum. C'est pas parce que par exemple on a entendu ça, que, parce qu'il y a tellement de choses, barakallahu fikum, qui se passent, que tout cela nécessite des explications bien claires. D'accord ? Pour bien comprendre, inshallah. Parce que dans toute chose, barakallahu fikum, il y a des conditions, il y a des... D'accord ? التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. Celui, donc la neuvième qui annule l'islam, celui qui croit au fait que certaines personnes peuvent sortir de la loi islamique de Muhammad صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah, de la même manière que le Khidr. Le Khidr, vous voyez ce qu'est le Khidr ? Dans Surat Al-Kahf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné que c'était un prophète. Parce que lui, c'était un prophète parce qu'il recevait une révélation d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et on va voir, Inch'Allah, dans le détail ici. Inch'Allah. Celui qui croit au fait que certaines personnes peuvent sortir de la loi islamique de Muhammad, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que le Khidr pouvait sortir de la loi de Moussa alayhi salatu wa salam, est un mécréant. Al-ashir, al-i'radu an dinillahi ta'ala, la yata'allamuhu, wa la ya'malu bih, wa d-dalilu qawluhu ta'ala, wa man azlamu mimman dhukkira bi ayati rabbihi, thumma a'radha anha, inna minal mujrimina muntaqimun. Donc le dixième qui annule l'islam, se détourner de la religion d'Allah, ne pas l'apprendre, ni l'appliquer. Ne pas l'apprendre, ni l'appliquer. Ni la pratiquer. Et cela est prouvé par le verset, dans la traduction du sens du verset 22 de Sourate Al-Ahzab, qui est plus injuste que celui à qui les versets d'Allah sont rappelés et qui ensuite s'en détourne. Nous nous vengerons certes des criminels. ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من مجيبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Et il n'y a aucune différence concernant ces annulations de l'islam entre celui qui les commet pour plaisanter ou celui qui les commet sérieusement ou celui qui les commet par peur. Seul celui qui en est contraint, seul celui qui en est contraint est excusé. Chacune de ces annulations fait partie des choses les plus dangereuses et les plus commises. Il faut donc que le musulman y prenne garde et qu'il en ait peur pour lui-même. Nous cherchons protection auprès d'Allah contre les causes de sa colère et la douleur de son châtiment. Donc ça, c'était la lecture de ces annulatifs de l'islam. On en vient maintenant à l'explication de Cheikh Dr Abdallah ibn Abdelrahim al-Bukhari. Qala Cheikh Abdallah ibn Abdelrahim al-Bukhari hafidhahullah. Nu'alliqu ala hadhihi ar-risala nas'alu Allah jalla wa ala أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وأن يجانبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله dit: nous allons faire le commentaire de ce livret. Nous demandons à Allah le Très-Haut de nous donner la sincérité dans la parole et les actes et qu'il nous écarte de tous les troubles et de tous les problèmes apparents et cachés. وقبل أن نشرع في تعليق على هذه الرسالة لابد بين يدي هذه الرسالة العظيمة المهمة النافعة المباركة الوجيزة من تقديمة تمهيدية لأن ما بعدها إن شاء الله متعلق بها ومبني عليها. C'est pour ça que je fais cette introduction. Et avant de commencer l'explication de ce livret bénéfique, important, ce résumé essentiel, il est indispensable de commencer avec une introduction. Le Shir dit que cette introduction, car ce qui suit sera bâti sur cette introduction, est lié à celle-ci. Tout ce qui viendra par la suite sera bâti sur cette introduction et lié à celle-ci. فنتكلم في هذه المقدمة عن جملة من الأمور أول تلك الأمور عن أهمية هذه الرسالة وقيمتها ما هي أهمية هذه الرسالة وما هي قيمتها أقول بارك الله فيكم يظهر لك أهمية هذه الرسالة وقيمتها عند أهل العلم بأمور نذكر جملة من تلك الأمور أول تلك الأمور أن هذه الرسالة المسمى بنواقض الإسلام على وجازتها واختصارها المفيد من أنفع الرسائل المختصرة في بابها. Dans cette introduction, le Shir dit, il dit, nous allons parler de différents points. Ce livret a une importance énorme au regard des gens de science. Le premier point est que ce livret intitulé Les annulatifs de l'islam fait partie des plus bénéfiques résumés sur ce sujet. Parmi les autres livrets et résumés du même auteur, il y a les trois fondements, les quatre règles et les autres, comme nous avons vu. Tilka rasail al-matina, famin tilka rasail al-mukhtasara, thalathat al-usul wa al-qawa'id al-arba'a wa ghayrih. Donc, parmi les autres livrets du même auteur, il y a les trois fondements qu'Inch'Allah en fera. Et il y a les quatre règles qu'on a déjà fait. D'ailleurs, on a terminé la semaine dernière. D'accord ? فهذه الرسالة يبين لك ضد ما في تلك الرسائل مما جرى بيانه لك فيما يتعلق بهذا الباب تلك الرسائل المتينة مع هذه الرسالة العظيمة لمن تأملها يتبين له صحيح الاعتقاد Et ça vous réaliserez Excusez-moi, je vais d'abord traduire, Inch'Allah. Donc, parmi les autres livrets du même auteur, il y a, comme on a dit, les principes fondamentaux, les trois principes fondamentaux, les trois fondements, Thalath Usul, les quatre règles et les autres. Et celui qui médite sur ce livret avec les autres, eh bien, il lui apparaît et comprend la croyance authentique et correcte. Comme nous avons vu dans le cours qui précédait l'explication des quatre règles, c'était le cours de Cheikh Ubaid Jabri concernant Maratib Jihad al-Nafs, les étapes dans la lutte contre son fort intérieur. D'accord ? Et il avait mentionné que lorsqu'on va forcer l'âme pour lutter contre son fort intérieur, qu'est-ce qu'il fallait ? Il y avait quatre points à faire. Il fallait déjà forcer son âme à étudier. Plus tu connaîtras Allah Azza wa Jal, plus tu le craindras. Et plus il te sera facile de lutter contre le shaitan, ton nefs, tu vois, et tout ça. Donc déjà, il faut forcer son âme à étudier, à s'asseoir pour essayer d'étudier, patienter sur cela, d'accord ? Mais ça demande de la patience, barakallahu fikou. C'est pas par exemple une semaine où on apprend, non. C'est un travail de toute une vie, ça. On apprend tout le temps. Le plus on connaît, le plus on connaîtra Allah Azza wa Jal, le plus on le craindra. Et à chaque fois, je mentionnais le hadith du prophète Mohammed alayhi sallam lorsqu'il disait « Je suis celui parmi vous qui craint Allah Azza wa Jal » plus que vous tous. Et je suis celui parmi vous qui connaît le mieux Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a joint la connaissance d'Allah azza wa jal avec la crainte, avec sa crainte. Le plus tu connais Allah, le plus tu le craindras. Tu vois ? Donc d'une part, le premier point, il faut forcer son âme, on avait dit, à étudier, à apprendre. Et le cheikh Ubaid, hafizullah, qu'est-ce qu'il avait dit ? Il avait dit que d'une part, lorsqu'il fallait étudier, il ne fallait pas étudier juste un point. Ou juste une partie. Par exemple, étudier seulement le pur monothéisme, le tawhid. Comprendre ce que c'est tout ça. Sans en étudier ce qui l'oppose. Il faut étudier les deux. Il faut étudier le pur monothéisme, c'est quoi ? Et il faut étudier ce qui l'oppose. Et il faut étudier dans les détails. Connaître ceci dans le détail et connaître cela dans le détail. Si tu connais dans le détail, qu'est-ce qui oppose le monothéisme, le tawhid ? Qu'est-ce qui oppose le shirk, le polythéisme ? Et dans le shirk, il faut comprendre qu'est-ce que le shirk ? Il faut comprendre les détails. Il faut comprendre majeur, mineur, caché. Certains ulama disent que c'est caché. D'accord ? Qu'est-ce que c'est ? Quels sont les types ? Déjà, lorsqu'on connaît cela, qu'est-ce que le pur monothéisme ? Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah ? Qu'est-ce que ça veut dire ilah ? Oui. Pour comprendre le sens de la ilaha illallah. Lorsqu'on comprend tout cela, on sait que ilah, c'est ce qui est adoré. Comme les ulama ont dit, un synonyme de alaha, c'est abada. Alaha, c'est abada. Ilah, c'est ce qui est adoré. Donc tout ce qui est adoré, les gens le mettent au rang de divinité, parce que c'est adoré. D'accord ? Ce qui est lié avec le cœur. C'est pour ça que lorsqu'on dit « La ilaha », nulle divinité, « La ilaha illallah », nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité. On renie l'adoration pour les autres divinités. On dit que ce sont des divinités parce que les gens l'adorent. Mais on dit que ce sont des fausses divinités. Pourquoi ce sont des fausses divinités ? Parce que ? Pourquoi elles ne méritent pas l'adoration ? Parce que, voilà, ce sont des créatures. Ce sont des créatures. Elles ne peuvent rien créer. Comme tu disais qu'une statue, elle ne peut rien créer, mais elle a été bâtie, comme la statue qui est tombée dans l'éléphant, là, chez les, je sais quoi, les mouchelikines, là-bas en Inde. Elle est tombée. Elle n'a pas pu se défendre. Elle est tombée, elle s'est cassée. Ils adorent quelque chose qui ne peut ni leur répondre, ni se défendre, ni se protéger, ni rien. Donc ça, ils l'ont mis au rang de divinité. On l'appelle divinité parce qu'elle est adorée. Mais on dit que c'est une fausse divinité. Pourquoi ? Parce qu'elle ne mérite pas l'adoration. Pourquoi ? Car ce n'est pas elle qui a créé. Il n'y a qu'un seul créateur, c'est Allah Azza wa Jal. Tu sais qu'il n'y a qu'un seul créateur, seul lui mérite l'adoration. C'est pour ça qu'elle ne mérite pas l'adoration. D'accord ? Donc lorsque tu connais ça dans le détail, et tu connais les types de shirk dans le détail, de polythéisme dans le détail, tu vois ? Eh bien comme ça, c'est comme ça qu'il faut apprendre. Tout sera clair. Tout sera clair. C'est comme on disait. Les ulama ont dit, il faut apprendre les voies, la voie droite dans le détail et les voies de l'égarement dans le détail. Parce que tu sauras la voie droite, elle est où ? Et tu sauras tous les pièges de ceux qui ne sont pas dessus, c'est quoi, ils sont où ? Et ils se tiennent sur quoi ? Et quelle est leur croyance ? Et pourquoi elle est fausse ? Tu vois ? Mais si tu connais la voie droite dans le détail et tu ne connais pas les autres voies de l'égarement dans le détail, quelqu'un qui est dans une des voies de l'égarement, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va te jeter un doute, facile, un équivoque, et il risque de t'égarer parce que tu ne savais pas que ça appartenait aux voies de l'égarement. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre ça dans le détail et ça dans le détail. Et là, pourquoi il mentionne cela ? Le Cheikh Abdallah al-Bukhari, Hafidhullah, il dit que lorsque tu étudies les quatre règles, les trois principes fondamentaux, d'accord ? Tu étudies les annulatifs de l'islam. Dans les quatre règles et dans les principes fondamentaux, notamment les principes fondamentaux, ça c'est un livre que je recommande à tous, parce qu'en fait, c'est que des définitions. Tu comprends tout en fait. Tu sais ça veut dire quoi ? La signification de l'islam, c'est quoi ? Tu sais la signification de la ilaha illallah, ça veut dire quoi ? Et tout ça, c'est que des preuves. Allah dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais la signification de wa anna Muhammad rasulullah, ça veut dire quoi ? Tu sais ce que ça implique, tu vois ? Tu sais quel est le verset qui a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un prophète ? Tu sais le verset qui a fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam un messager ? Donc c'est pour ça, inshallah bi'idhnillah, après celui-là, on fera si Allah nous facilite, inshallah, et si on vit, on fera thalath usul, inshallah. Donc, cela, ça fait comprendre aux gens c'est quoi le pur monothéisme. Les quatre règles, comme on avait vu, ça faisait comprendre aux gens c'était quoi la hanifiyya. La religion, barakallahu fik, la religion de Ibrahim, qui est le pur monothéisme sincère envers Allah Azza wa Jal et se désavouer du polythéisme. D'accord ? C'est s'écarter du polythéisme en étant sincère dans l'adoration que l'on voit Allah Azza wa Jal seul. La Hanifiyya, la religion d'Ibrahim, la religion de tous les prophètes et messagers. C'est le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, il y avait une explication de cela. Là maintenant, dans ce livret-là, les annulatifs de l'islam. D'accord ? Lorsque tu étudies cela et tu étudies cela, d'accord ? eh bien, tu connaîtras la croyance bi'idhnillah correcte. Bien sûr, il y a encore d'autres points en termes de méthodologie qu'on verra, inshallah, plus tard. Rahmakallah. Donc, dans les autres livrets, tels que je disais, tels que les trois principes fondamentaux, les trois fondements, les quatre règles, dans ces livrets, il y a l'explication de ce qu'est le pur monothéisme, le tawhid et tout ce que cela implique, tandis que dans ce livret, les annulatifs de l'islam, il y a ce qui oppose ce qui est dans les autres livrets. Ce qui oppose ce qui est dans les autres livrets. وَهُنَا كَمَا قُلْتُ فِي هَذِهِ الرِّسَالَةِ بَيَانُ ضِدْ مَا سَبَقَ أَنْ ذَكَرَهُ لَكَ وَفَصَّلَهُ فِي مَا يَتَعَلَّقُ في باب التوحيد وكما قيل الشيء يعرف حسنه بضده أو كما قيل الضد يعرف بالضد هذا الأمر الأول. Ça c'est le premier point. Il dit donc dans ce livret il y a une clarification de ce qui oppose ce qui fut expliqué et clarifié dans les livrets précédents concernant le tawhid et le pur monothéisme. Et comme il est dit C'est en connaissant ce qui oppose une chose que l'on connaîtra la bonté de cette chose. C'est en connaissant ce qui oppose une chose que l'on connaîtra la bonté de cette chose. Ou ce qui est dit aussi, on connaît une chose si l'on connaît ce qui l'oppose. On connaît une chose si l'on connaît ce qui l'oppose. C'est-à-dire ? Et ça c'est vrai. Quel exemple on peut donner dans ça ? On connaît une chose que si l'on connaît ce qui l'oppose. Un exemple très simple, qui doit vous venir, la première chose à chaque fois que vous devez penser, c'est comme le premier pilier de la foi, la ilaha illallah. Lorsque vous pensez à ça ? La ilaha illallah. On connaît une chose si l'on connaît ce qui l'oppose. Donc les gens qui disent la ilaha illallah, d'accord ? Mais par exemple, au bled, ils disent la ilaha illallah. Ils prient, tu leur lis, comme Cheikh Mohammed Al-Jam, rahimahullah, disait, sont des gens où est-ce que si tu leur lis la biographie du prophète, sallam, ils sont touchés. Parfois, ils pleurent. Si tu leur lis les versets du Coran, ils sont touchés. Ils prient, ils aiment Allah, ils aiment le prophète, sallam. D'accord ? Ils disent, la ilaha illallah. Cependant, ils vont aller au niveau, barakallahu fik, ils vont aller au niveau des tombes, et ils pensent que cet homme qui est mort, il peut encore faire quelque chose. Et les gens leur viennent, vous voyez, avec tu ne connais pas la voie droite dans le détail, tu ne connais pas les voies de ligament dans les détails. Quelqu'un vient et dit, comme on avait vu dans les cours précédents, avec tes péchés, tu es sale. Tu n'es pas digne de demander directement à Allah. Et il donne des exemples comme ça, oudoubillah. Il dit, c'est comme si tu avais du 400 000 volts. Est-ce que tu peux toucher directement du 400 000 volts ? Non. Mais passe par du 20 000, tu vois, qui lui pourra transmettre au... Ou passe par du 200 000 qui lui sera la moitié et qui pourra transmettre. Subhanallah, c'est quoi ? Ou des exemples qui sont donnés. Un verre de thé. Regardez les choubouhettes que les gens amènent. Lorsque tu connais une chose, mais tu ne connais pas son opposé. On va terminer sur ce point-là, après je vais venir avec le verre de thé. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font ? Ils disent la ilaha illallah. D'accord ? Ils le disent. Cependant, ils vont aller invoquer autre qu'Allah. Invoquer autre qu'Allah, c'est du shirk, ça annule l'islam. Hein? Allah Azza wa Jal dit, قُلْ إِنَّمَا أَدْعُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا. Dans surat al-Jinn, Allah Azza wa Jal dit, j'invoque Allah, je ne lui associe rien. J'invoque Allah, je ne lui associe rien. Allah Azza wa Jal a clairement montré dans ce verset que invoquer autre qu'Allah, c'est de l'associationnisme, du polythéisme. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, الدعاء l'invocation, c'est l'adoration. Donc cette personne-là qui dit la ilaha illallah, qu'est-ce qu'on dit ? On dit en fait qu'elle ne connaît pas la ilaha illallah. On ne connaît une chose si l'on connaît ce qui l'oppose. Donc ils disent la ilaha illallah, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire en fait. Parce que rien ne les empêche d'aller adorer autre qu'Allah. Ou de sacrifier un animal pour autre qu'Allah. Vous voyez le problème ? Donc c'est pour ça, on ne connaît une chose que si l'on connaît ce qui l'oppose. Je vais dire en arabe, inshallah. On connaît une chose lorsqu'on connaît ce qui l'oppose. Si tu connais ce qui l'oppose, d'accord ? Et tu sais ce que c'est. Donc tu sais la ilaha illallah, ce que ça veut dire quoi. Et tu sais ce qu'il oppose, invoquer, adorer, autre quoi, tout cela. Tu la connais. Mais si tu dis la ilaha illallah et puis ça ne t'empêche pas de faire ce qui oppose la ilaha illallah, ça veut dire que tu ne connais pas la ilaha illallah. Et vous pouvez tester, hein, c'est facile. Hein. Ça, c'est la chose la plus importante, subhanallah, de la communauté qui est de savoir la ilaha illallah. Si tu vas aller demander à n'importe quel musulman, tu prends comme ça, vite fait, tu demandes la ilaha illallah, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est dramatique. Hein. Comment vous voulez faire de la da'wa si tu ne sais pas la ilaha illallah? Comment veux-tu transmettre un message si tu ne sais pas la ilaha illallah? La ilaha illallah. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est ça que ça veut dire, la ilaha illallah? Subhanallah. La ilaha illallah, ça veut dire quoi? Il n'y a de Dieu que Dieu. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Subhanallah. Donc, vous voyez l'importance de forcer son âme à étudier. Ensuite, forcer son âme à appliquer ce savoir. Et ça, ça demande des temps, des années. Ensuite, forcer son âme à, une fois que tu as appris, tu as appliqué, il y a une part pour tes frères, les inviter, transmettre. Avec ce que tu sais. Tu sais pas, tu retournes au savant. Ou tu transmets les paroles des savants. Et, bien sûr, lorsque tu vas appeler à la voie droite, faut pas croire que tu marcheras sur une moquette bien douce. D'accord ? Ceux qui sont sur la voie droite, ils sont peu. Ils sont peu, barakallahu fikum, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit, et c'est Allah azza wa jal qui l'a dit. وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِ يَشَّكُورِ. Et comme peu sont nombreux mes serviteurs qui sont reconnaissants. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ. Excepté ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres, et comme minoritaires ils sont. Subhanallah. Parce que la majorité, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent leur passion. Ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre, je ne sais pas quoi, et puis si, oh non, celui-là il dit tout le temps non, celui-là il dit tout, je ne sais pas quoi, non. Je préfère entendre celui qui est en accord avec ma passion. Tu vois? Eh bien, le problème, c'est quoi? C'est que ces gens-là, ils vont faire des problèmes. Lorsque toi, tu vas commencer à inviter à la voie droite, les gens, ils vont te faire des problèmes. Ils vont te faire des problèmes. Donc, qu'est-ce que tu dois faire en quatrième point? Tu dois patienter face à cela. Tu ne prends pas ça pour ton compte personnel. Tu le fais pour Allah, Azza wa Jal. Tu ne fais pas pour qu'on t'invite pas les gens à toi. Tu le fais pour Allah. Donc, si on te fait du mal, tu dois patienter. Parce que la victoire provient d'Allah, Azza wa Jal. Donc, on disait, les gens croient connaître une voie droite. La voie droite, il n'y en a qu'une seule. La voie droite, c'est la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba, et ceux qui les ont suivis à la perfection. Mais ce qu'il y a, il croit la connaître, mais il ne connaît pas les autres aussi. Il y a une différence entre croire et connaître. Quelqu'un, il vient, il te met une chobha. Vous voyez ce verre de thé? Hein? Vous voyez ce verre de thé? Il le renverse sur la table. Hein? Ensuite, il prend une éponge. Et il a, l'éponge va prendre tout ce qui est renversé, et ensuite il va dans le verre, il va le, comment on dit, l'essorer dans le verre, il va refaire descendre tout le thé. Et c'est ça leur preuve, subhanallah. Pour dire quoi? Pour dire que la foi du pire des musulmans, c'est la même foi que Jibril alayhi salam. Vous voyez? Ils ont dit, vous voyez ce thé là, qu'est-ce que vous en pensez? Ils vont dire c'est sale. Ils vont dire non, nous on le considère comme étant bien. Et que c'est le même que le premier thé avant que je le renverse. Ce thé là, il l'a renversé sur la table, il a mis une éponge et ensuite il a essoré dans le verre. Il a dit c'est le même thé. Pour dire, vous voyez, la foi du pire des musulmans, c'est la même foi que Jibril. Alayhi salam. Ceci, subhanallah, ceci est strictement faux, barakallahu fikum. Ceci est strictement faux. Déjà, Allah Azza wa Jal dit, هَلْ يَسْتَوِيَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont égaux? Non. Subhanallah. Jibril, alayhi salam, qui ne désobéit pas à Allah Azza wa Jal, hein? Qui est un ange. Ils veulent le comparer, ils disent que la foi, elle est la même. Donc ça, c'est le problème dans les croyances qui sont corrompues, vous voyez. Les croyances qui sont corrompues, et puis les gens, en fait, ils ramènent un peu de leur tête, un peu de logique. Donc tu ne connais pas une chose si tu ne connais pas son opposé. Il faut connaître déjà la définition claire, tout ce que ça implique, et il faut connaître son opposé. Pour dire que je connais, et j'invite les gens sur une clarté, sur une preuve claire. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. dit, Allah Azzawajal ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire, dit, j'invite à Allah, j'invite à qui? À Allah, moi et ceux qui me suivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons invitent à Allah. Ils suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils invitent à Allah. À la basira, avec clairvoyance. Il a le savoir, il a le ilm, avec clairvoyance j'invite. C'est pas à la jahl, d'accord? C'est pas avec ignorance et il va inviter. Donc tu connais les choses. C'est en connaissant ce qui oppose une chose que l'on connaîtra la bonté de cette chose. Ou on connaît une chose si l'on connaît ce qui l'oppose. Ceci est le premier point. الأمر الثاني الدالي على أهمية وقيمة هذه الرسالة أن هذه الرسالة المفيدة من فهمها الفهم الصحيح الجيد وعقلها كما من أدرك إدراكا لا شك فيه أنه يجب عليه وجوبا أن يحافظ على دينه وتوحيده وأن يحذر كل الحذر مِمَّا يُقِعُهُ فِي مَا هُوَ ضِدِّ ذَلِكَ. Le deuxième point concernant l'importance de ce livret bénéfique est que quiconque l'a compris correctement, l'a très bien compris et a bien médité dessus, sans aucun doute, et qu'il se doit impérativement de préserver sa religion, son pur monothéisme à Allah Azza wa Jal, et qu'il prenne garde de tout ce qui pourra le faire basculer dans tout ce qui oppose le pur monothéisme. Il devra préserver sa religion en prenant garde à ne pas tomber dans le polythéisme, à ne pas corrompre le pur monothéisme. D'accord ? وَأَنْ يَحْذَرَ كُلَّ الْحَذَرْ مِمَّا يُوقِعُهُ فِي مَا هُوَ ضِدِّ ذَلِكَ التَّوْحِيدِ. D'accord ? وَهَذَا الْوُقُوعُ فِي الْضِدِّ قَدْ يَأْتِي عَلَى أَصْلِ دِينِهِ وَالْعُلَمَاءُ يَقُولُونَ ناقد وناقص والعلماء يقولون ناقد وناقص بالضاد وبالصاد فالناقد من الأصل والناقص يأتي عليه من كماله سواء الواجب أو المستحب. Donc il dit ensuite, et le fait de tomber dans ce qui oppose le pur monothéisme peut concerner, donc concerne les fondements de sa religion. Les savants disent naqid. En arabe, c'est pour ce qui annule. Naqid, ça annule. Et naqis, pour ce qui manque. Lorsque s'est employé le mot annule, ce qui annule concerne les fondements. Tandis que ce qui manque, eh bien, ça concerne la perfection. Ça concerne la perfection de ce qui est obligatoire ou de ce qui est préférable. De ce qui est obligatoire ou de ce préférable. Donc, naqid, c'est pour annul, ça concerne les fondements. Et naqis, c'est pour un manque, ça concerne quoi? Ça concerne en fait un manque dans la perfection de ce qui est obligatoire ou ce qui est préférable. Wa ma'loumun barakallahu fikum anna hadha min al-wajib ala al-mar'i an yahfadha dina. وحفظ الدين رأس الضروريات الخمس التي جاء الشرع بها. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات: اتفقت الأمة بل سائر الملل على أن الشريعة وضعت للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل. قال: وعلمها أي هذه الضروريات عند الأمة كالضروري. انتهى كلام رحمه الله. Donc le cheikh dit, et ce qu'il faut savoir est qu'il est obligatoire à l'individu de préserver sa religion. Et le fait de préserver sa religion est la première des cinq nécessités. Et la première des cinq nécessités que la législation a apportées. C'est vrai que le mieux à chaque fois, c'est de noter les points pour se rappeler, pour que la fois d'après, on a revu les points et on se rappelle. Et comme ça, on n'oublie pas. Chaque fois qu'on fait un cours, là par exemple, on va poser des questions sur les quatre règles, ou sur les ablutions, ou sur la règle dans l'eau, la pureté et tout ça. On doit se remémorer tout cela. Venez. Donc le mieux, inshallah, c'est d'avoir un petit bout et puis marquer juste des traits, des petites notes pour se rappeler. Et comme ça, même ça, ça reste dans la tête. Yeah. Comme ça, c'est pas par exemple comme un plat qu'on fait, on va dans un restaurant, on va manger un truc et puis après on part et on a oublié ce qu'on a mangé le lendemain. Vous voyez ce que je veux dire ? Avec l'ofic. Et ce qu'il faut savoir et qu'il est obligatoire à l'individu, c'est de préserver sa religion. Et le fait de préserver sa religion est la première des cinq nécessités que la législation a apportées. L'imam Shatibi rahimahullah a dit dans son livre, Al-Muwafaqat, la communauté s'est mise d'accord. Ensuite il dit, mais toutes les communautés sont d'accord sur le fait que la législation, la sharia, permet de préserver cinq nécessités qui sont tout d'abord la religion, al-nafs, le fort intérieur, parce que c'est un peu compliqué de traduire par l'âme, tu vois. L'âme surtout ruh, en arabe, tu vois. Nafs, parfois c'est, vous verrez traduit comme l'âme, tu vois. Préserver l'âme, mais ça concerne le fort intérieur, d'accord ? L'âme, le fort intérieur, wallah wa. N'âme ? Non, parce qu'il y a différents types d'âmes, qu'on avait vu d'ailleurs. Il y a l'âme, l'amaratu bessou, nafs al-lawwama, celle qui blâme son, celui qui fait, al-mutma'inna, l'âme qui est paisible, hein, tranquille. Hein. Ça, ce sont les trois petites dames, oui, pas la clé. Donc c'est pour ça que, bon, on va dire âme fort intérieur, d'accord. Donc le premier point qu'il faut préserver, la religion. Donc les cinq nécessités sont la religion, premier point. Al-nafs, l'âme ou fort intérieur, d'accord. Al-nasl, la descendance, progéniture. Al-mal, l'argent. Al-aql, la raison. D'accord. Ce sont les cinq qu'il faut préserver. Et la connaissance de cela, barakallahu fikum, est une nécessité. إذن معرفة وفهم هذا الباب يوجب لك الحذر والانتباه من الوقوع فيما يناقض هذا التوحيد وهذا الدين. Donc, la connaissance et la compréhension de cela, t'obligera à prendre garde et faire attention d'en tomber. Hein, de faire attention de tomber dans ce qui annulera le monothéisme d'Allah et cette religion. Parce que si le monothéisme, barakallahu fik, il est annulé, c'est toute la religion qui est annulée de l'individu. D'accord ? L'individu qui tombe dans cela annule sa religion. Il n'est pas musulman à temps partiel, vous voyez ce que je veux dire ? S'il commet du polythéisme majeur, ça annule son islam. Et on avait vu, barakallahu fikum, ce que Cheikh Mohammed Ibn Jami, rahimahullah, avait dit concernant cela, c'est que il y a des positions des savants qui disent que si l'individu tombe dans corrompt ou tombe dans de la mécréance ou dans du polythéisme majeur, donc cela concerne les fondements, ils ont dit tout ce qui concerne les fondements, ça annule l'islam de l'individu et l'ignorance n'est pas une excuse. Ils ont dit, lorsque ça concerne les fondements, l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance est une excuse en ce qui concerne al-furu'a, les branches de l'islam. Les fondements, il n'y a pas d'excuse. Et il y a d'autres savants qui disent, il faut apporter la preuve, que ce soit dans les fondements ou dans les preuves, ou dans les branches. Donc certains disent que si quelque chose touche les fondements, l'ignorance n'est pas une excuse. L'ignorance est considérée comme une excuse lorsque ça touche les branches de l'islam. D'accord ? En disant qu'il faut apporter la preuve. D'autres savants disent qu'il faut, dans tous les cas, apporter la preuve, clarifier à la personne. Il y a des gens, ils vont commettre du shirk, ils vont commettre du polythéisme. Ce sont des personnes qui sont très âgées, mais c'est juste, ils suivent des traditions erronées, vous voyez ? Qu'il faut leur expliquer, qu'il faut leur. Et peut-être en leur clarifiant et tout ça. Donc, ça, ce sont les deux positions, quand même. Quelles sont les conditions du takfir ? Conditions, hein, avant que le takfir, le fait de rendre mécréant, d'une part, ça, c'est. Il faut revenir au savant, barakallahu fikum. Quelles sont les conditions ? Intifa al-mawana, s'assurer que rien n'empêche à la personne, rien n'empêche à la personne d'accepter et d'appliquer cette vérité. Intifal mawana. Ensuite, tawafir shurut, s'assurer que toutes les conditions sont réunies dans ce qu'il a fait. Toutes les conditions sont réunies. Tawafir shurut, s'assurer que toutes les conditions sont réunies pour ce cas-là. Intifal mawana, s'assurer que rien n'empêche cette personne-là, hein, de comprendre et d'agir dessus. Rien n'empêche. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait empêcher une personne d'agir sur une chose ou le fait de faire quelque chose? Qu'est-ce qui pourrait empêcher? Par exemple, oui. Ça, c'est quelle est la preuve pour cela? Celui qui n'a pas toute sa tête. Moi. Oui, c'est lié ça. Ça, c'est dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, hadith authentique, Rufi al qalam an thalatha. La plume est levée sur trois types d'individus. Celui qui dort jusqu'à ce qu'il se lève. Celui qui est un enfant jusqu'à qu'il atteigne la maturité. C'est-à-dire qu'il peut discerner entre le bien et le mal. Et celui qui a perdu la raison jusqu'à ce que la raison lui revienne. D'accord ? Donc, il faut voir qu'il n'y a rien qui empêche. D'accord ? Il n'y a rien qui l'empêche d'agir cela ou de ne pas faire cela. Hein, que, alors, peut-être qu'il est fou mentalement, peut-être que, tu vois. Donc il y a ça. Il faut voir que toutes les conditions sont réunies. Wa iqamat al-hujja. Et ça, c'est apporter la preuve. Apporter la preuve. Apporter la preuve, c'est quoi? Comme on a dit, c'est une preuve qui est claire. Et c'est quoi la preuve qui est claire? Comment on l'apporte? Si je cite un verset. Je cite un verset. N'importe qui peut citer un verset. D'accord? J'avais donné l'exemple au cours précédent. Ceux qui célèbrent l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la Bi'al-Lawl. Celui qui célèbre l'anniversaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils vont utiliser un verset en te disant, bah, regarde, nous on utilise le Coran. Vous dites Coran sonne, la Coran sonne, regarde, on utilise le Coran. Ils vont dire, ouais, bi ni'amati rabbika fahaddith. Et par les bienfaits qu'Allah te donne, eh bien, transmets-le, exprime-toi. Montre-le, Barakalofik. Et de ceux, les bienfaits qu'Allah te donne, montre-le. Donc des gens, ils vont utiliser ce verset du Coran, Barakalofik. Mais ils vont l'appliquer sans retourner à la compréhension des sahabas. Donc là, on peut faire tout et n'importe quoi. Ibn Abbas, radiallahu anhuma, a dit, vous voyez pourquoi c'est important de revenir à la compréhension des sahabas, « وَبِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ » et par les bienfaits d'Allah azzawajal qui te donne, montre-le. Hein? C'est quoi la ni'ma? C'est l'islam. « وَحَدِّثْ » c'est la da'wa à Allah azzawajal. Subhanallah. Vous voyez où est-ce qu'on est là? Comment les gens ils vont utiliser un verset? Donc c'est pour ça, « إِقَامَةُ الْحُجَّةِ بَرَكَ fikum. Apporter la preuve, ça doit être une preuve qui est basée sur le Coran et la Sunna et selon la compréhension des sahabes. Pas la compréhension de monsieur 2015 où je crois que je pense que ou je sais, d'accord, c'est un truc très clair parce que tout est répertorié, d'accord. Il y a même quelqu'un qui s'est fatigué, subhanallah, à faire une vidéo d'une heure pour soi-disant dire aux gens du hadith, aux gens de la sunna, regardez, nous on utilise des preuves comme vous. Et citer les versets sans comprendre le verset, c'était quoi? C'est, vous voyez, subhanallah. Donc, barakallahu fikum, il faut tout le temps revenir à la compréhension de nos pires prédécesseurs. Inna ankar al-aswat la sautul habir. Dans Surat Luqman, Allah Azza wa Jal dit, parmi les sons, les voix qui sont détestables, c'est la voix de l'âne. Allah Azza wa Jal le dit, hein, la traduction du sens du verset. Les chiites, ils vont utiliser ce verset-là pour accuser Omar ibn Khattab radiallahu anhu en disant Allah Azza wa Jal n'a pas créé une chose pour la détester, mais ça concerne Omar ibn Khattab radiallahu anhu. Vous voyez comment que la différence, si on revient à l'explication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux sahaba, ils ont reçu l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la compréhension claire et pure. n'y a pas de divergence, barakallahu fikum. Et ça, c'est le devoir de tous les musulmans, de se réunir sur cela. Et non pas se réunir sur la divergence, c'est bien. Ce n'est pas une question de divergence, c'est bien, barakallahu fikum. Fahmni. Le fait que Yarni était grand, l'autre il est petit, ça c'est une divergence, on ne peut rien faire. Mais Allah Azza wa Jal, il a transmis, Yarni, il a révélé cette religion avec des preuves qui sont claires. Ce n'est pas donné à chacun de vouloir comprendre comme il veut. D'accord ? Sinon on n'y arrive pas. Et c'est pour ça que les troubles qui se déroulent aujourd'hui, barakallahu fikum, c'est dû à ça. Les gens ils prennent un verset, ils ne comprennent même pas. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. Ils lisent le Coran. Ils lisent le Coran. Ok, là, ils lisent le Coran. Mais ne dépassera pas de leur gorge. Concernant les Khawarij. Ça n'atteindra pas leur cœur. D'accord ? Et ce propos-là, c'était sur les Khawarij. Ceux qui se rebellent contre les gouverneurs et ça. Donc, barakallahu fikum, c'est pour ça qu'il est essentiel de revenir sur la compréhension des Sahaba. D'accord ? Donc, la religion, al-nafs, la descendance, l'argent, la raison. Ce sont les cinq nécessités. D'accord ? Et la connaissance de cela est une nécessité. إذن معرفة وفهم هذا الباب يوجب لك الحذر والانتباه من الوقوع فيما يناقض هذا التوحيد وهذا الدين. Donc la connaissance, la compréhension de cela t'obligera à prendre garde et faire attention de tomber dans ce qui annulera le monothéisme d'Allah et cette religion. وفيه أيضا الحذر من الوقوع في الشر. فإذا عرفت الشر وجب عليك أن تجتنبه. عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقيه. من لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. Il y a également le fait de prendre en garde de tomber dans le mal. Car si tu connais le mal, tu es obligé de t'en écarter. Tu connais le mal, tu es obligé de t'en écarter. J'ai connu le mal, pas pour le mal, une expression qui est connue celle-là, que les al-alim ils utilisent. J'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. J'ai connu le mal, pas pour le mal, mais pour m'en préserver. Celui qui ne connaît pas le bien du mal tombe dans celui-ci. Donc pourquoi en fait j'ai étudié le mal ? C'est pas pour le mal, c'est pas pour faire le mal. J'ai étudié le mal pour m'en préserver. J'ai étudié les sectes et voies égarées pour m'en préserver. Tu vois ? Car celui qui ne connaît pas le bien du mal tombe dans le mal. Si tu connais pas, si je fais différents trous ici, d'accord ? Et que je t'ai montré où sont les trous. Puis ensuite, je les recouvre. Sachant que tu as reconnu où sont les trous, tu fais attention de ne pas tomber dedans. J'ai fait les trous, mais je ne t'ai pas montré où sont les trous. Tu ne sais pas où ils sont. Tu n'as pas appris. Tu n'as pas étudié pour savoir où ils sont. Tu marches, tu tombes. Tu marches, tu tombes. فيجب عليك أن تبتعد عن الشر ووسائل الشر وأهل الشر لأن الشر لا يمكن أن يتصور أن يمشي هكذا من غير حامل لا بد أن يحمله. Il est donc obligatoire que tu t'éloignes du mal. Il est obligatoire que tu t'éloignes du mal, des moyens qui mènent au mal, ainsi que les gens du mal. Pourquoi ? Parce qu'il a dit, le shir, car le mal ne se répand pas tout seul. Mais il y a des gens qui le portent et le répandent. Tu comprends ? C'est pour ça qu'il faut que tu connaisses le mal, c'est quoi ? Pour que tu t'en écartes. D'accord ? Que tu t'en éloignes, que tu t'éloignes des moyens qui mènent à cela, et que tu t'éloignes des gens du mal. فتبتعد عن الشر وعن طرائقه ووسائله وعن أهله. Donc tu t'éloignes du mal, des chemins du mal, des moyens qui mènent au mal et des gens du mal. وهذا بارك الله فيكم ينبئك به بشيء من البيان الدال على أهمية معرفة التوحيد وضروريته وعلى أهمية فهم هذا الباب وضروريته أيضا. يبين لك الإمام ابن القيم رحمه الله في الفوائد فيقول مبينا فضل التوحيد. Donc là, voilà, l'importance et la nécessité de la connaissance du tawhid, du pur monothéisme. Et l'importance et la nécessité de sa compréhension. L'imam Ibn Qayyim rahimahullah montre dans son livre Al-Fawa'id, c'est un livre que je conseille à tous. Les ulama ont dit que tous les étudiants de sciences doivent avoir ce livre dans sa bibliothèque. Donc l'imam Ibn Qayyim rahimahullah montre dans son livre Al-Fawa'id que le pur monothéisme sauve ses ennemis et ses alliés. التوحيد مفزع أعدائه وأوليائه مفزع أعداء الله وأولياء الله. Donc le tawhid, le pur monothéisme, il sauve qui? Il sauve les alliés du tawhid, du pur monothéisme, et il sauve aussi les ennemis du pur monothéisme. Il sauve les deux. D'accord? Et là, il va aller voir l'explication de l'imam Al-Qayyim rahimahullah. فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. قال الله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها. Concernant les ennemis du pur monothéisme. Le pur monothéisme, hein, l'imam Al-Qayyim rahimahullah, il a dit, le pur monothéisme sauve qui? Il sauve les alliés du pur monothéisme et sauve aussi les ennemis du pur monothéisme. Là maintenant, il détaille, l'imam Al-Qayyim rahimahullah, il dit, concernant les ennemis du pur monothéisme, le pur monothéisme, le tawhid, les sauve des difficultés rencontrées dans la vie d'ici-bas. Lorsque ces ennemis applique le pur monothéisme, tel que la parole d'Allah dans la traduction du sens du verset 65 de Sourate Al-Ankabut, l'araignée, quand il monte en bateau, concernant les polythéistes, quand il monte en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Les polythéistes, les mouchriquines, quand ils montent dans le bateau, ils se mettent à devenir des purs monothéistes, à invoquer Allah Azza wa Jal seul. Ils sont au milieu des océans. Hein? Il n'y a plus leur statue là qui pourra aller sur terre, leur statue, elle n'est pas avec eux. Donc ce qu'il y a, c'est qu'ils se mettent à invoquer Allah Azza wa Jal seul. Ils lèvent leurs yeux vers le ciel en invoquant Allah Azza wa Jal seul. Une fois qu'il les a sauvés, c'est Allah Azza wa Jal qui dit cela, hein? Dans la traduction au sens du verset. Quand ils montent en bateau, ils invoquent Allah, lui vouant exclusivement leur culte. Une fois qu'il les a sauvés des dangers de la mer en les ramenant sur la terre ferme, voilà qu'il lui donne des associés. D'accord ? Donc dès qu'ils reviennent en terre ferme, ça y est, retournent vers leur divinité. Amma awliya'uhu. Donc les alliés là du pur monothéisme. Fayunajjihim min kurubati ad-dunya wal-akhirah wa shada'idha. Donc le pur monothéisme, les alliés du pur monothéisme, ceux qui sont purs monothéistes, ceux qui appliquent le tawhid d'Allah Azza wa Jal, eh bien le pur monothéisme les sauve, hein, des difficultés de cette vie d'ici-bas et aussi dans l'au-delà. Les ennemis du pur monothéisme, lorsqu'ils vouent leur culte exclusif à Allah Azza wa Jal, ça les sauve que dans cette vie d'ici-bas. Alors que les alliés du pur monothéisme, ça les sauve dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Faza ilayhi Younes. Donc, Younes, le prophète Younes, alayhi salam, qui a été sauvé lorsqu'il a appliqué le pur monothéiste. Et il s'était un pur monothéiste. C'était un prophète et messager d'Allah Azza wa Jal. Lorsqu'il était dans ce poisson-là. Vous voyez, lorsqu'ils avaient fait... il invitait ses gens, son peuple, à l'islam. Et ils ont refusé. Ce qu'il y avait, c'est qu'il a quitté, sans l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, son peuple. D'accord ? Et en prenant le bateau, eh bien, ils ont fait un tirage au sort en disant qui sait qu'on va jeter à l'eau parce que on est trop lourd. Et donc c'est tombé trois fois, à chaque fois ils disaient, c'est tombé sur lui la première fois, et eux ils ne voulaient pas le lancer, ils disaient non, tu es un homme bien, Et ils ont refait jusqu'à trois fois. Il a dit, alors ce sera moi. Et puis ils l'ont jeté. Et donc il a été avalé par un gros poisson. Et donc ce qu'il y a, c'est qu'alors qu'il était à l'intérieur, il a dit, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Nulle divinité digne d'adoration à part toi, oh Allah. J'étais du nombre des injustes. Allah Azza wa Jalla l'a sauvé par le pur monothéisme. D'accord ? فنجاه من تلك الظلمات وفزع إليه أتباع الرسل فنجاه به مما عذب به المشركون في الدنيا وما أعد لهم في الآخرة. Donc, ceux qui ont suivi, les prophètes qui ont suivi et qui étaient avant, Allah Azza wa Jalla les a sauvés parce qu'ils étaient sur le pur monothéisme. C'était les prophètes d'Allah Azza wa Jalla, ils invitaient au pur monothéisme. Allah Azza wa Jalla les a sauvés dans cette vie d'ici-bas. Et ils sont sauvés dans l'au-delà. Lorsque ceux qui associent Allah Azza wa Jal n'ont pas été sauvés de ce qui est arrivé. Par exemple, Nuh alayhi salam. Il a été sauvé dans l'arche. Alors que ceux qui ont refusé d'unifier Allah Azza wa Jal dans leur adoration et de suivre le prophète Nuh alayhi salam, ils n'ont pas été sauvés. Et ils ont été châtiés, ils ont été engloutis par les eaux. D'accord ? Alors que les purs monothéistes y sont sauvés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. وَلَمَّا فَزَعَ إِلَيْهِ فِرْعَوْنَ عِنْدَ مُعَايَنَةِ الْهَلَاكِ وَأَدْرَكَهُ الْغَرَقِ لَمْ يَنْفَعْهُ هَذَا التَّوْحِيدِ لَمْ يَنْفَعْهُ. Là, Pharaon, lorsque il était en train de mourir et qu'il était en train de se noyer, parce qu'Allah Azza wa Jalla a fait que parce qu'il avait séparé la mer en deux pour Moussa alayhi salam et son peuple pour qu'il puisse se sauver de Pharaon. Puis après, lorsque le Pharaon et son armée voulaient venir, Allah Azza wa Jal a remis l'eau. Donc l'eau, elle est revenue sur eux. D'accord ? Et lorsqu'il était en train de se noyer, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, je crois à la divinité, je crois au Dieu de Moussa et de Béni Israël, des enfants d'Israël. Mais là, pourquoi ça ne lui était pas bénéfique, le pur monothéisme ? Pourquoi le pur monothéisme n'était pas bénéfique ? لِأَنَّ الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمُعَايَنَا مَا الْمُرَادِ بِالْمُعَايَنَا يَعْنِي خُرُوجِ الرُّوحِ وَالْمَوْتِ. D'accord ? لِأَنَّ الْإِيمَانِ عِنْدَ الْمُعَايَنَا لَا يُقْبَلْ هَذِهِ سُنَّةَ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ. Parce que, pourquoi ça n'a pas été accepté de Pharaon pendant qu'il était, il allait mourir ? Parce qu'en fait, lorsque l'âme vient pour sortir, lorsqu'il va mourir, la foi n'est plus acceptée. La foi n'est plus acceptée, la repentance n'est plus acceptée à ce temps-là. Ni la repentance, ni la foi. Oui, voilà. Mais le pur monothéisme, comme dit Barakallahu Fikum, Cheikh Abdallah al-Bukhari, il a dit pourquoi ça ne lui a pas été bénéfique, même s'il avait cru à Allah Azza wa Jal, le créateur de tout l'univers, celui dont croyaient ceux qui suivaient Moussa alayhi salam parmi les enfants d'Israël, pourquoi ça ne lui a pas été bénéfique ? Parce qu'il était sur le point de mourir. Et en ce temps-là, lorsque tu es sur le point de mourir, ou lorsque ton âme vient pour sortir, d'accord ? Ou lorsqu'il est en train de se noyer, là, il se dit qu'il va mourir, la repentance n'est pas acceptée, ni le pur monothéisme. Ce n'est pas valable. D'accord ? D'accord. فَمَا دُفِعَتْ شَدَائِدِ الدُّنْيَا بِمِثْلِ التَّوْحِيدِ وَلِذَلِكَ كَانَ دُعَاءُ الْكَرْبِ بِالتَّوْحِيدِ وَهَذَا حَدِيثِ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ ودعوة ذو النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه. Donc, comme l'invocation qu'on avait dit tout à l'heure, barakallahu fikum, de ذو النون, il n'y a pas un musulman qui le dit, d'accord, excepté qu'Allah Azza wa Jal le sauve du problème dans lequel il est. فهمت إذن أهمية إدراك معرفة التوحيد وفهمه الفهم الصحيح ومعرفة الشرك ووسائله وأنواعه لتنجو بارك الله فيكم. Donc tu as compris maintenant, بارك الله فيكم. Tu as compris que l'importance du pur monothéisme, de le connaître, l'importance aussi de connaître ceux qui s'y opposent. Comme ça, tu ne tombes pas dans le mal. D'accord ? En connaissant le pur monothéisme et en l'appliquant, Allah Azza wa Jal te sauve dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et en connaissant les voies du mal, eh bien, tu ne tombes pas dans ce mal-là. Tu vois ? Donc, c'est pour ça que, sur ce point-là, Inch'Allah, Barakallahu Fikm, on va terminer, puis on continuera. Ça, c'est encore dans l'introduction. Hein. Il a fait une introduction, mais là, ce qui est bien dans son introduction, c'est qu'il détaille afin de mieux comprendre ce qui va suivre. D'accord ? C'est pour ça qu'il y a cette introduction. Donc, on continue, Inch'Allah, la semaine prochaine, pour l'explication de Cheikh Abdallah al-Bukhari sur Nawaqid al-Islam, les annulatifs de l'Islam, la semaine prochaine, donc on continue dessus, Inch'Allah, dimanche prochain. Tandis que mercredi, exceptionnellement, il n'y aura pas cours, parce que je ne suis pas là, mercredi prochain, donc on comptait faire les ablutions, la description des ablutions, mais donc ce sera donc mercredi prochain qu'on commencera, Inch'Allah, le chapitre sur la façon de faire les ablutions telles que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les faisait. Donc c'est exceptionnel, c'est seulement mercredi prochain. Mercredi qui vient, là, il n'y aura pas cours, exceptionnellement, car je ne suis pas là. Mais après les autres mercredis, bien sûr, on reprend. D'accord ? Jazakumullah khair, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.